me cacher. Toi qui parles du bonheur, viens je t'emmène avec moi dans mon pays où il ne fait jamais. Chaque jour sous le grand ciel bleu.